Bienvenue à Objectif numérique, 9e épisode. Pour cet épisode, toute l'équipe est là. François Blanchette, salut. Christian Jarry, bonjour. Et moi-même, Stéphane Vaillancourt. Au menu, on a des questions et commentaires de nos auditeurs, quelques nouvelles. Ensuite, on va parler du service d'impression de livres Blurb. Et François, toi, de quoi tu vas nous parler? Je vous parle de la photo de rue, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. On va surtout parler du côté légal et aussi des quelques trucs qu'on a nous-mêmes quand on fait de la photo de rue pour arriver à nos fins. Parfait. Et Christian? Moi, je vais rajouter quelques affaires par rapport à ce que notre ami François dit, quelques idées de qu'est-ce qu'on peut utiliser comme matériel, particulièrement du côté objectif, etc. Excellent. Et on adopte un nouveau format avec cet épisode-ci. Les épisodes vont être un peu moins longs afin d'augmenter la fréquence de ceux-ci. On devrait pouvoir publier un épisode aux 2 semaines. On va essayer. Oui, absolument. C'est donc un essai. Mais vos commentaires seront les bienvenus à savoir si vous aimez ça ou pas. Ça va nous aider à savoir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Absolument. Donc, on vise les 45 minutes parce que le dernier épisode faisait 1h30. On va voir si on est capable d'atteindre cet objectif-là. On n'a pas parti le timer. Je le pars. Je pars la minuterie à l'instant même. Voilà. Allons-y avec les questions et commentaires. Il y a Noureddine Cherfaoui qui nous demande si les appareils comme le Fujifilm X10 et le Sony RX100 vont un jour remplacer les DSLR. Et ça tombe bien parce que Christian va nous faire, entre autres, une critique du Fujifilm X10 au prochain épisode. Donc, mais je ne sais pas si tu connais un peu le Sony RX100 oui. aussi. Oui. Mm-hmm. Donc, ma réponse, ça va être très simple. Mm-hmm. Non. OK. Et la réponse compliquée? C'est deux appareils qui sont très intéressants, mais qui ont beaucoup, beaucoup de limitations versus une DSLR. Mm-hmm. Tu peux pas... oui, on peut faire de la photo, on peut faire beaucoup d'effets, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire avec ça. Juste le fait qu'on change d'objectif te permet d'avoir une plus grande profondeur de champ, te permet d'avoir un... justement, d'avoir un zoom qui, de 800 mm qui te permet d'aller chercher un objet, et tu peux pas avoir ça avec ces caméras-là. Mm-hmm. T'es limité. Est-ce que ça peut remplacer pour quelqu'un de la vie de tous les jours? Ah ben ça, là, on en reparlera. Mm-hmm. C'est une autre histoire. Pas sûr que la X10... En tout cas, je m'embarque pas trop là-dessus. Bon, j'en reparlerai au prochain épisode. Mm-hmm. Mais la RX100, par exemple, beaucoup plus intéressante. Ouais. Je dois avouer, là, selon les spécifications, tout ça, là, c'est très, très, très intrigante. Parfait. Donc, à suivre. Uh-huh. Parfait. Et dans l'épisode 7, on avait oublié de mentionner quelques logiciels de retouche photo. Donc, il y en a quelques-uns qui nous ont été soumis par des auditeurs. Voici quelques titres. Il y a tout d'abord Photofiltre, qui est un logiciel français. Ensuite, il y a The Gimp, qui est quand même populaire. Ben, il ne coûte rien. C'est Linux, mais oui, c'est... C'est pas Linux, c'est sur PC aussi. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui. Une version ça fait PC, même un bon bout de temps. Open source. Oui, ouais, c'est vrai. Puis, il y a aussi Corel Paint Shop Pro, qui est rendu à la version 15 ou X5, qui a une version d'essai de 30 jours, mais qui se détaille 80$. Donc, peut-être pas mal, quand même, le prix est intéressant. Je sais que dans le temps, je pense que ça doit être la version 4 ou 5. Là. C'est un peu déprimant, mais bon. Je crois que moi aussi, c'était à peu près à cette époque-là où je l'ai essayé. Mais j'avoue que je ne jurais que par ce logiciel-là. Je ne sais pas comment que ça a évolué, comment ça fonctionne, mais j'étais très, très satisfait dans le temps. Ça mm-hmm. fait longtemps que je n'ai pas suivi leur courbe. Mais bon, ceux qui n'ont peut-être pas les moyens de se payer un Photoshop ou un Lightroom en version complète peuvent peut-être jeter un coup d'œil de ce côté-là. D'autant plus qu'on peut l'essayer. C'est un excellent deal là, par rapport à ça. Absolument. Donc, bien, merci à Cyril Leroux et Gilles Corbeil qui nous ont suggéré ces logiciels-là. Donc, on va passer aux nouvelles. J'ai deux nouvelles, une relativement courte et l'autre, je vais élaborer un peu parce que c'est plus ou moins connu. La première nouvelle, c'est Lexar qui a lancé une carte SDXC de 256 gigaoctets, classe 10, USH 1, donc ou à 400X pour ceux qui veulent vraiment toutes les spécifications. C'est un disque dur dans votre caméras. C'est ouais, à peu ouais. près ça. C'est très rapide, excessivement rapide. Et 256 gigaoctets, c'est la taille d'un disque dur SSD en ce moment. Donc, et le point important? Le prix. Exact. 900 $. Donc, américain, évidemment. Donc, la conversion. Il y a une belle expression québécoise. Ils sont fous à attacher. 900 $ pour ça, là, jamais de ben, la vie. Y a, je vois pas à quoi ça pourrait servir d'autre qu'à faire de la vidéo, honnêtement. Mm. Une carte de cette grandeur-là. Ouais. Moi non plus. Et de cette vitesse, mais, de cette performance. Oui, oui. Mais que... non seulement ça, mais c'est parce que l'autre problème que tu as, qui est pas en marque, non, je dis ça, mais je veux dire, c'est parce que la grosse majeure partie des caméras DSLR utilisées, c'est plus compact flash en général. Fait mm. SD, c'est... Mais je dis ça, mais mettons comme la Canon Mark III, c'est, tu peux avoir SD, fait que ouais. c'est SD, ben, je sais pas. C'est ça. En tout cas, pour le prix, les appareils haut de gamme, c'est ça, c'est surtout du compact flash, mais comme moi, c'est ça, avec ma fameuse 60D qui mm-hmm. est SD, mais je verrais pas mettre une carte qui vaut le même prix que le boîtier non. lui-même. Non, là, c'est non, un peu non, ridicule. C'est, oui, très. Mais bon. Je pense qu'il y a des applications assez spécifiques là, ouais. à faire avec une carte comme ça. Mais bon, c'est mais énorme. Puis on s'en cachera pas qu'il y a toujours le point de essayons de repousser la limite. Oui, aussi, absolument. Et c'est une bonne chose parce que ça fait baisser le prix de oui. toutes les autres cartes. C'est après. Vrai. Donc, les autres cartes, les 16 et 32 gigaoctets deviennent plus accessibles, même les 64. Donc, c'est une bonne chose qui veut repousser les limites. Ensuite de ça... De son côté, HiFi lance une carte 16 gigaoctets de classe 10 pour 99 $ américains. Canadien, ça doit être à peu près le même prix. Là. Le taux de change est au pratiquement pire, 20 $. 20 $ de plus à peu près. Oh, c'est... 5 ou 10, je dirais pas plus que ça. Ah, là, à 100 je dis au pire, hein. au pire oh, des cas, là, mm-hmm. c'est à peu près 20 $ de plus. Mais donc, qu'est-ce que le HiFi? Alors voilà, le HiFi qui s'écrit comme un œil en anglais, E-Y-E-F-I. C'est une carte Wi-Fi, donc une carte SD de même dimension, de même capacité, les mêmes choses, sauf qu'il y a un petit émetteur Wi-Fi à l'intérieur qui permet de transférer vos photos de votre boîtier vers un téléphone, une tablette ou votre ordinateur directement. Et c'est possible aussi de programmer la carte, si on veut, pour téléverser les photos vers Flickr ou un autre site de photos. C'est vraiment... Ben moi, j'en ai une carte HiFi, mm-hmm. mais elle est seulement de 8 gigaoctets et c'est une classe 6. Donc, je l'utilise quand je prévois avoir besoin de mes photos rapidement. J'ai pas un PC à la portée de la main. Mm. Mes photos s'en vont dans mon iPhone. Elles deviennent en format JPEG quand c'est téléversé dans un appareil mobile. Et donc, je peux tout de suite les visionner partout. C'est plus en format RAW comme je les prends là, en temps normal. Ouais, ça se fait-tu en temps réel, c'est-à-dire aussitôt que tu as déclenché ou ça se fait après? Ben, c'est ce qui est le beau côté de la chose, c'est qu'il y a plusieurs modes. Il y a un mode où ça transfère instantanément chaque cliché. Il y a un mode où ça ne transfère que les fichiers que vous sélectionnez. Donc, quand vous les protégez avec la petite clé, là, ça va transférer uniquement ces photos-là. Et il y a un mode carte à capacité infinie. C'est quand vous arrivez au bout de votre carte, au bout du 16 gigaoctets, et téléverse les premières photos pour toujours conserver de l'espace sur la carte. Pas pire, c'est vraiment intéressant. Et pour 100 $, puis là, surtout maintenant, là, 16 gigaoctets classe 10, là, c'est pas mal ça proche vaut de vraiment ça. La peine. Ouais, c'est pas mal proche ça de fait, ça. Est-ce que ça se fait en compact flash? Non. C'est seulement du SD. Mais tu sais qu'il y a des adaptateurs, hein? Oui. Non, je savais pas. Il y a un adaptateur que tu peux acheter qui est un peu comme les anciennes affaires. C'est une compact flash, dans le fond. C'est juste un boîtier, puis tu mets ta SD dedans. Mais ça va être compatible? Aucune idée. C'est ça qui est le détail. Je sais pas si je l'essayerais. Je sais pas. Mais bon, de ce côté-là, moi, en tout cas, je trouve que c'est vraiment un truc utile. Par contre, il y a certains boîtiers peut-être plus vieux, plus anciens, qui seront pas compatibles avec une carte HiFi. Et il y a peut-être certains nouveaux boîtiers qui ont déjà le Wi-Fi intégré, comme la Canon 6D. Oui, ça commence à sortir de plus en plus. C'est ça. Ouais. Donc, ça peut être vraiment très utile pour quelqu'un. Je prends encore ma 60D comme exemple, Canon 60D, qui est en SD, qui n'a pas de Wi-Fi intégré. C'est une carte parfaite pour cet appareil-là, parce que ça, surtout maintenant, là, je ne vois pas de raison de ne pas acheter une carte HiFi. C'est pour quelqu'un qui a un téléphone ou une tablette, ou qui c'est va... C'est-tu juste iOS ou c'est iOS Android? Non, c'est Android aussi. Ah, ça, c'est intéressant. Donc, oui. PC, Mac, j'ai pas vérifié malheureusement, mais bon... Mais ça... normalement, maintenant, sont pas mal... les logiciels sont compatibles pour les deux maintenant, de plus en plus. Ouais. Donc, la carte Hi-Fi est fortement recommandée pour à peu près tous les appareils, mais évidemment, il faut vérifier sur le site hi-fi.com et on va mettre le lien dans les notes, comme d'habitude. On va maintenant parler du service d'impression de livres Blurb. J'ai eu l'occasion d'essayer ce service-là. Je me suis fait imprimer deux livres différents parce que ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on peut choisir le type de couverture pour des livres photos, évidemment. On peut avoir une couverture souple, rigide, avec une jaquette. On peut choisir son type de papier, mat, glacé, puis il y a évidemment différents types de papier. Là. Et évidemment, plus on met de pages de photos et plus on prend des trucs de luxe, le livre peut évidemment coûter un peu plus cher, mais c'est vraiment une bonne impression, une impression de qualité. Puis j'ai été très, très satisfait. J'ai fait imprimer deux livres identiques, une vingtaine de pages avec des photos que j'avais prises. Puis j'ai choisi justement deux types de papier différents, les deux types de couverture pour voir la différence. Et puis les deux sont très bien sortis. Il y avait une légère différence entre les types de papier, je crois, mais c'est vraiment... faut les avoir un à côté de l'autre pour voir constater la différence. C'est pas quelque chose qui va dire « Oh, la photo, c'est mal imprimé. » C'est vraiment, en comparant les deux types de papier côte à côte, c'est logique. Le papier ne va pas imbiber l'encre de la même façon, ne va pas réagir à l'impression de la même façon. Donc, mais le résultat final, moi, j'ai été très agréablement surpris. Ben, j'ai eu l'occasion de jouer un petit peu avec le logiciel. Il faut dire qu'on était invité à un événement qui parlait justement de Blurb. Blurb, c'est quand même... ça existe depuis 2004. Ça m'a surpris. Je ne savais pas ça. Ça avait l'air carrément d'un nouveau service qui venait attaquer je ne sais pas c'est quoi le service de Apple qui fait aussi des albums. iPhoto. Avec un paquet de trucs qui se fait pas avec iPhoto. Donc, Blurb, la réponse de Blurb. La façon que ça fonctionne, on télécharge un logiciel pour faire des gabarits qui vont permettre de construire le livre finalement avec Blurb. Ça se fait localement, tout ça. Une fois qu'on a monté notre album dans le logiciel, avec un paquet de fonctions, on peut vraiment mettre les photos comme on veut dans l'album. Oui, on peut modifier les gabarits, on peut mettre du texte où on veut. Oui, c'est ça, on peut mettre une photo pleine page, puis ça comprend aussi la couverture de l'album, ce qu'on appelle le hardcover, ou je sais pas comment dire en français. Couverture rigide. Oui, c'est ça, comme tu disais. Donc, c'est super... transformable comme concept. C'est un plus par rapport à d'autres services d'impression photo comme ça qui font des albums. C'est très, très bien. Bon, comme tu parlais des qualités de papier, il y en a vraiment beaucoup, plus qu'ailleurs aussi. Je pense qu'après avoir parlé avec une des personnes ce soir-là, il nous racontait qu'il y avait aussi une façon de voir ce que nos photos auraient l'air une fois imprimées. Oui. Dans le logiciel. Ça, c'est vraiment génial parce que tu prends pas de chance, là. Tu dis pas, je vais essayer ce papier-là, ça va sûrement bien sortir. Non, tu vas voir le résultat à l'écran, une simulation, j'imagine. Je l'ai pas fait le test. Ben, mais... C'est ça, tu vois, moi, j'ai pas vu cette option-là, donc c'est pour ça que j'ai fait imprimer deux fois le même livre, mais de toute façon, bon, j'avais une espèce de certificat cadeau, un coupon rabais qu'on m'avait offert là, pour essayer le service. Mais ça me posait pas de problème parce que je me disais, je vais en laisser un dans la salle familiale, puis l'autre sera dans ma bibliothèque, puis comme ça, c'est deux livres différents. Là. C'est quand même une option super intéressante, je trouve. Moi, ça m'a appelé. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait comme, oh wow, ça c'est vendeur. Ça, j'aime beaucoup ça. Absolument. On peut, évidemment, si on a déjà quelques photos sur un site qu'on a rangé en quelque part, par exemple sur Picasa, Flickr, Photobucket, SmugMug, e-photo, bon, c'est tout téléversable sur le site directement de Blurb. Donc, ça, c'est génial aussi. Tu n'es pas obligé de prendre de ton ordinateur. Si tu as déjà fait une série d'albums prêts à imprimer, ça, c'est génial aussi. Il y a vraiment une couple de trucs aussi qui démarquent Blurb des autres, encore plus. pour ceux qui ont vraiment l'envie de, d'être prolifique, on peut aller jusqu'à 440 pages. Oh oui, créer une espèce de brique carrément. On peut faire un livre de cuisine très complet avec ça, ou une encyclopédie presque. Oui. Il y a vraiment un tas de variétés de formats d'albums aussi. Oui. On parle de petits livres. Là, les formats, je les ai pas sous la main, mais les formats populaires, c'est 8 par 10, donc le format à peu près d'une lettre légale. Il y a petit carré, donc qui est 18 cm par 18 cm. Ouais. Il y a grand en format paysage, là, qui est 33 par 28. En pouces, bon, c'est 7 par 7 pour le petit carré et 13 par 11 pouces pour le format paysage. Il y en a beaucoup d'autres. Ouais, là, c'est ça, vous irez voir sur le site, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut décider si on veut ça en portrait ou en format paysage. C'est ça, je cherchais le mot. Ça aussi, c'est bien parce que tu n'es pas bloqué dans un format seulement. Ça, tu peux choisir le 20 par 30 cm en paysage ou en portrait, c'est bien que ça. Le prix pour ces albums-là, c'est basé sur le nombre de pages qu'on choisit, mais par groupe de pages. Donc, si on décide d'avoir un album de 40 pages, ça va nous coûter un montant X, mais c'est dans le groupe de 20 à 40 pages. Donc, si je choisis un album de 23 pages, ça va me coûter le même prix que 40 pages. Donc, aussi bien y aller avec 40 pages, c'est le maximum. Oui. Si, évidemment, on a assez de photos qui nous plaisent. Ouais, si ils nous plaisent pas, il ne faut pas remplir les 40 pages parce qu'on paye pour 40 pages. C'est ça. Tu vois, moi, j'ai fait un livre au total, incluant les couvertures, qui avait 20 pages. Donc, mon livre avait 18 pages, plus les deux couvertures. Puis, je me suis limité à ça. Ouais. Parce que si j'en mettais une de plus, là, il fallait que... Oui, changer de braquette, de tranche de prix. Oui, ouais, c'est ça. Bon, puis ça va, bon, 20 à 40, 41 à 80, ça va être le même prix. 401 pages à 440 pages, ça va être le même prix. Il y a vraiment une échelle de prix avec ces groupes de pages-là. Il y a aussi, ils ont décidé de lancer dernièrement le e-book. Donc, l'album qu'on vient de créer, pour impression, ben, on peut aussi le rendre en e-book, qui va être téléchargeable sur iPad, sur n'importe quelle tablette aussi, qui va être disponible en ligne. Oui. C'est bien ça aussi. Aussi, ils ont décidé d'imbriquer des vidéos aussi dans les albums. Oui. On peut décider de mettre une vidéo pour que ça devienne pas interactif, mais disons un peu plus vivant, si on peut dire, une photo. Un petit vidéo qui viendrait complémenter la photo. Je pense à un livre, mettons, de photos d'enfants ou des trucs comme ça. On peut mettre un vidéo souvenir avec ça pour... Bon, évidemment, c'est pour la version e-book, là, on s'entend. Oui, absolument. Ouais. Mais c'est intéressant, on peut partager ça avec le monde plutôt que de partager le livre en tant que tel imprimé. Je trouve l'option très, très, très intéressante. Et évidemment, le e-book coûte moins cher que le livre imprimé. Je m'en doute. Ouais. Donc, ça aussi, c'est très bon côté. C'est mais quelque chose, j'aime bien, je l'aime bien mon livre que j'ai fait imprimer. C'était tout simplement un test, mais j'ai mis des photos quand même colorées un peu dedans, des photos que j'aimais. Ils sortent bien. Et puis, je suis bien content de l'avoir fait et je vais m'en faire d'autres, évidemment. Il y a une dernière chose aussi qui est super intéressante. Moi, ça m'a beaucoup parlé parce que, comme vous deux, j'aime beaucoup faire de la photo et je me suis toujours dit à un moment donné... j'aimerais ça exposer ce que je fais dans la vie. T'sais, je me vois faire un vernissage là, dans mes rêves les plus fous. Mais tu as des très belles photos aussi. Mais merci. On rêve à ça. Puis sur le site, il y a possibilité de vendre son album qu'on a créé. Donc, je me monte un album de 40 pages, 50 pages. Je décide de mettre ça à vendre sur le site. Ils vont t'aider à le faire. Ils vont mettre ton album en ligne, prêt à vendre. Tu fixe ton prix. Donc, si tu estimes que ton album vaut un montant X, disons 50$, mais qu'en réalité, il coûte 40 à produire, la personne qui va être intéressée à l'acheter va payer le 40$. Le 50$. Et le site va garder, va te remettre la différence en argent. Donc, mm-hmm. si tu as fixé un prix de 50$ de vente, ben, est-ce que je suis il clair? Il te revient 10$. Ouais, il te revient 10$. Ben, c'est il enlève les coûts de production au coût de, que tu as laissé. C'est ça. Donc, les profits nets te reviennent. Mm-hmm. On peut fixer le prix qui nous plaît. Là, et mais... dans le cas d'un e-book, c'est 80% du prix de vente qui revient au vendeur. Donc, ouais. Blurb se garde seulement 20% ouais. dans le cas parce d'un que e-book. Là, ça devient un frais d'hébergement, finalement. Ouais, parce que là, il n'y a pas de production physique. Non, c'est sûr. Un e-book, c'est du data sur le serveur. On paye pour l'utilisation du logiciel, l'hébergement oui, c'est ça. Et ouais. bon, le c'est, service. C'est bien ça aussi. C'est très correct. J'imagine un paquet de choses, des gens qui décident de faire une espèce de livre pour financer une activité ou mm-hmm. n'importe quoi. Là. Ce que tu as dit, le livre de recettes, honnêtement, peut devenir, le livre de recettes pourrait devenir tout à fait une option aussi. Tu peux faire, tu peux mettre du texte, tu peux mettre des photos. Oui. Définitivement oui. que ça peut devenir c'est une option. C'est sûr que dans ta famille, tu es populaire pour ta lasagne, entre autres. Ben tu fais un livre sur la lasagne, puis tu vas en vendre dans ta famille ta recette, tu sais. Oui. C'est pas obligé d'être un livre de 400 pages. Ça peut être un livre de 15 ou 20 pages ou 30 fait. Pages. Ouais. Lasagne, on peut commencer petit. Pour lasagne pas... en 400 variations. Oui, c'est ça. Non, mais je suggère aux gens peut-être de commencer avec un petit livre pour pas se décourager et de faire un bon tri de photos. Ah, ça, y oui. Y aller ouais. seulement avec des photos qu'on aime, qu'on trouve belles et qu'on a envie de montrer aux gens. Puis après, ben c'est plus rapide aussi parce qu'à un moment donné, si on se dit « Ah, j'ai besoin de 60, 70 photos », là, ça va, on va remettre ça parce que c'est trop long à mettre en place. Et ouais. Allez-y avec un petit livre pour commencer. Vous allez tester le service, le produit, et puis vous allez voir si ça vaut la peine. Mais moi, je vous le dis, ça vaut la peine. Une parenthèse comme ça, dans un épisode précédent, quand je parlais que je mettais des notes à mes photos, ouais. c'est là que ça peut devenir et super voilà. intéressant parce que tu fais juste dire « Sors-moi toutes celles que j'ai mis 5. Mm-hmm. » ah, et ouais, voilà. Ouais, ouais. Le tri est beaucoup moins long. Le tri est pas long. Oui, oui. Ouais. Ouais. Et on a tellement aimé le service. Voilà, chez Blurb. On vous a négocié, chers auditeurs, un rabais spécial juste pour vous. Il suffit, si vous décidez d'essayer le service de Blurb, vous allez créer votre livre et tout ça. Et au moment de passer à la caisse, vous tapez le code de promotion au numérique, sans accent sur le E par contre, donc au numérique, et vous obtenez 20% de rabais. Voilà, magie. Oui, grâce à ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Donc, vous voyez, les gens de Blurb. Vous pouvez nous envoyer le 20% si vous voulez, il n'y a pas de problème. Oui, puis si vous avez des belles créations, envoyez-nous le lien qu'on puisse voir oui. ça aussi. Ça nous intéresse oui, de voir vos créations. Partagez les e-books, puis ça nous fera plaisir. Même à la limite, on va peut-être créer une galerie de e-books sur notre blog, ouais. pourquoi pas. On pourra faire un article avec ça, oui, ça c'est vrai. Intéressant. Étonnez-nous. Le défi est lancé. Mais non, c'est pas un défi, mais c'est tout simplement une invitation à partager votre contenu avec nous. On mettra évidemment le lien vers le site de Blurb dans les notes d'épisode. On va maintenant passer à la photo de rue. François, je te cède la parole. Il y a plusieurs personnes qui se demandent, et c'est aussi notre cas des fois. J'ai fait une recherche parce qu'il y a plusieurs personnes qui se demandent qu'est-ce que j'ai le droit de prendre en photo dans la rue. Il y a des choses qu'on peut puis des choses qu'on ne peut pas prendre à cause de la légalité de la chose. Mm-hmm. Bien entendu, on parle au Québec, là, par contre, là, pour nos auditeurs oui. français. Moi, ma recherche est faite pour le Québec, là, ouais. je dois dire. Pour l'Europe ou la France en particulier, j'imagine que c'est semblable, mais pour... Ils sont moins restrictifs à ma connaissance, mais je peux me tromper. Mais moi, je dirais, le mot d'ordre, c'est de se renseigner. Si c'est on n'est pas certain, on oui. s'informe, on pose des questions. Définitivement. Et... on fait une petite fouille sur Google, ouais. une petite recherche. Un portrait de la chose pour ce qui est du Québec. Ben, je vais faire un peu l'historique. Pourquoi qu'on parle de ça? Parce qu'il y a un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est dit « ça va faire ». On peut pas prendre une photo de n'importe qui, n'importe où. On remonte en 98. C'est un photographe qui s'appelle Gilbert Duclos, mm-hmm. Qui fait de la photo comme ça dans la rue, puis qui voit une belle jeune fille de 17 ans qui est assise sur le parvis d'une église, je me rappelle bien. Puis qui prend une photo, comme ça. On n'en parle pas plus. Quelques semaines plus tard, c'est pas quelques mois plus tard, la photo se retrouve dans un petit magazine, un magazine à petit tirage, 700 ou 800 exemplaires. Mm-hmm. Je pense que c'est le type de magazine qui se donne dans le métro, quelque chose comme ça. Il a même cédé les droits, là. Il a même pas vendu la photo de monsieur dont on parle en question, Duclos, c'est ça. Mais la personne qui a été photographiée se voit dans ce magazine-là. Et se dit, attendez un instant, là, moi, j'ai pas autorisé à être en première page, tu sais, d'un petit magazine. Même si c'est un mm-hmm. petit magazine comme ça, c'est un magazine qui rapporte quand même de l'argent, donc c'est commercial. Mais t'sais. Pire que ça, ben je pense qu'on l'avait déjà, on a déjà parlé un peu de cette histoire-là, si ma mémoire est bonne, dans un précédent podcast, mais je peux me tromper. Mais en tout cas, ce qui est la cerise sur Sunday que tu savais peut-être pas, c'est que le magazine était un magazine sur la dépression. Ah oui, mais on n'en avait pas parlé, je crois. Non, ça se peut, mais en tout cas, parce que je peux me tromper avec quelque chose, mais c'est correct. Ça. Ouais, c'est un magazine sur la dépression, ce qui a fait que la dame était encore plus fâchée parce que elle a l'air introspective, elle a l'air, ben, je l'ai vu la photo en question. Mm-hmm. Et là, on pourrait l'associer à quelqu'un qui est en dépression. Exactement. C'est ça, ben, elle a s'est tannée parce que sa famille, ses amis, je savais pas que t'étais en dépression s'est su. Puis c'est ça qui a fait qu'elle a commencé à se fâcher à propos de cette situation-là, plus que par rapport aux droits légaux, tu sais, le monétaire, etc. En fait, c'est ce qui a déclenché. Là. Exact. Bon, ouais. Assez, évidemment, elle a poursuivi le monsieur parce que, bon, elle n'était pas dépressive, finalement. Non. Puis, elle a gagné sa cause. Ouais. Elle a mérité, elle s'est mérité 2 000 $ pour ça, pour les dommages. Je crois que ça peut même aller jusqu'à 5 000 $ pour une seule photo, là, les dommages à ce niveau-là. Ouais. Mais bon, c'est à confirmer. Mais bon, ça intéresse personne de payer... Non, même 100 $, ouais, 200 $, whatever. Et c'est... de perdre du temps à aller en cours et blablabla. Exact, donc, exact. C'est... Donc, comment savoir si ce qu'on fait est légal ou pas légal? C'est compliqué puis pas compliqué en même temps. Si on essaie d'y aller du côté le plus simple, si on se trouve dans un lieu public et on prend photo, quelque chose qui se passe dans un événement public, il n'y a pas de problème. Un spectacle, un amuseur de rue, pas un amuseur de rue... Oui, ça pourrait être un amuseur de rue. Lui, parce qu'il est là dans un contexte public. S'il est là en tant que personne, tout simplement... Puis c'est lui qu'on prend comme sujet principal. Mm-hmm. Ah, attention. Là, lui, on n'a pas demandé sa permission. C'est lui le sujet principal. On doit lui faire signer une décharge, absolument, qui va l'exonérer, qui va nous permettre d'utiliser sa photo parce que lui, il a décidé de dire oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Et encore, cette fameuse décharge, ou qu'on appelle en anglais le model release, peut contenir non seulement la date, le nom de la personne, etc., mais elle peut aussi contenir une condition dans laquelle la photo peut ou ne peut pas être utilisée. Là, ouais. Internet ou ça. Pas. Ou, c'est ça, ou à des fins personnelles, ou peu importe, là, ça pourrait être mentionné. Du moment qu'on tombe dans le commercial, si la photo risque... On s'entend, là, si on prend une photo pour nous, pour notre propre plaisir, il n'y a pas de problème. Si la photo se retrouve dans n'importe quelle publication électronique, écrite, on parle de commercial, évidemment. Mm-hmm. Un blog, sur le web, les réseaux sociaux, dans un magazine, dans le journal. Tout ça doit être accepté par la personne dont on prend la photo. Si on revient à l'amuseur public qu'on parlait, si on ne le prend pas en tant que sujet principal, mais il se retrouve dans la photo, disons d'un plan plus général, ça, c'est pas considéré comme... comme pas d'attente de... Non, parce que c'est pas lui le sujet principal. Sinon, il faudrait faire le tour de... 40 personnes, disons, dans une photo. On photographie un parc, un espace public, et dans une portion de la photo, il y a un amuseur avec une foule autour, mais ça correspond pas nécessairement, ça remplit non, pas l'image. Non, parce que dans un lieu public, c'est comme ça. Donc, on peut utiliser cette photo-là. Mm-hmm. Si Stéphane, tu mentionnais avant l'émission, des édifices. Mm-hmm. Un building. Ouais, un building un gouvernemental, n'importe quoi qui est privé, qui n'est pas public. En fait, même gouvernemental, c'est public. C'est bon. Mais disons, un commissariat de police, un poste de police. Oui, ou même une adresse personnelle. Ça revient à la même chose. Ouais. On peut prendre n'importe quoi en photo et le publier si on se trouve nous-mêmes physiquement sur la place publique. Donc, je peux prendre en photo une maison si je suis dans la rue. Si je suis sur le terrain du propriétaire, là, c'est une autre histoire parce que je suis sur son terrain. Ouais, ouais. Donc, j'ai besoin de l'autorisation de prendre en photo l'édifice. Donc, c'est là la ligne qui se fait. Tant qu'on est sur la voie publique, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Bon. C'est là que les objectifs à... très longs peuvent servir bien. Oui, tout à fait. On est tout à fait dans notre droit de prendre une photo d'où on est à ce moment-là. Mm-hmm. Donc, la loi, en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que si on est sur un lieu public, il n'y a pas de problème en principe, sauf si on focus vraiment, si on prend vraiment une personne en particulier. Oui. Si on se trouve sur un lieu privé, automatiquement, peu importe qui en est le propriétaire, gouvernement, une maison privée, un événement, on peint dans un lieu public, dans un événement privé aussi. Oui. Tu sais, quand je parlais que c'était ça pouvait être compliqué, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Si, par exemple, je suis au festival Juste pour rire à Montréal, puis l'organisateur a décidé de faire une fête sur invitation ou un spectacle, on paye des billets, on peut être sur un lieu public dehors, mais on est dans un événement privé. Mm-hmm. Donc, c'est ça aussi qu'il faut tenir compte. Oui, oui, oui. C'est pas mal ça. Ça fait pas mal le tour, en gros, de ce qu'on peut prendre ou pas prendre. J'ai pris mes informations sur un site québécois. Un photographe qui fait ça depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, des événements privés, publics comme ça. Mm-hmm. C'est vraiment, mais vraiment bien expliqué sur son site. On va avoir le site dans les notes. Vous pouvez aller voir ça sur notre site web, objectifnumérique.com. Parfait. Et bon, oui, d'ailleurs, justement... vite comme ça, j'avais déjà lu un peu sur le sujet et tout ça. Je préférais me restreindre un peu plus que de m'en permettre, mais au niveau des édifices, de toute façon, j'ai photographié, on peut photographier le Parlement à Ottawa ou des trucs comme ça, mais je m'étais pas vraiment empêché de faire quelque chose comme ça. Mais normalement, bon, s'il y a une photo où je dois vraiment prendre quelqu'un de face ou avec... son animal ou un truc comme ça, je vais aller voir la personne, je vais lui demander est-ce que je peux prendre une photo, puis à ce moment-là, ben au moins la personne a donné son consentement verbal au minimum. Oui, ben et c'est toujours préférable par écrit évidemment, mais bon, si on fait pas une série de photos sur la personne, on n'en fait qu'une seule, puis c'est pas c'est pour nous ouais, peu importe, tant que c'est pour nous, il y a aucun problème, il faut ça. Leur dire là. Oh, là, je parlais au point de vue commercial pour diffusion. D'ailleurs, j'ai juste pour revenir un peu sur le côté légal, j'ai pas vraiment dit qu'est-ce qu'on doit faire. Mm-hmm. Disons que si on prend des photos qui risquent de se retrouver sur une publication quelconque, tout ce que vous avez à faire, c'est demander l'autorisation de la personne, la faire signer un papier qui dit en gros je blablabla mon nom autorise François Blanchette à prendre une photo de moi et de la diffuser dans le cadre de son blog sur la photographie numérique, blablabla. Bla, bla. Et c'est tout. Il y a aussi une autre façon de le faire qui va être tout aussi légale, c'est-à-dire si vous avez une fonction vidéo sur votre caméra, ben pourquoi pas l'enregistrer en image aussi. Et en son, ouais, ça vaut très, la même chose. Très, très bonne idée. J'avais jamais pensé à ce détail-là, ouais, c'est intéressant. Ben, c'est moins tannant que oui, de d'avoir toujours des papiers, oui, papier-crayon sur soi. Là, mais je dirais que dans mon ancien sac, celui que je me suis fait voler, j'avais quelques model release comme ça que je traînais avec moi au cas où. Mm-hmm. J'en avais quelques-unes que j'ai fait imprimer. D'ailleurs, faites une recherche sur Internet, il y a des gabarits qui sont déjà tout créés. Oui. C'est juste de marquer son nom, tout ça. Puis ça l'explique très bien. Le gabarit dit, mettons, je vais l'utiliser possiblement en ligne, mais je l'utiliserai pas de façon commerciale. Ou les gabarits sont très, très clairs par rapport à ça. Fait que je vous conseille, je pourrais donner quelques liens par rapport à ça, si vous voulez. Par contre, le premier inconvénient de toujours avoir avec soi une autorisation écrite, avoir le papier crayon et tout ça, ça fait très formel. Donc, de demander à quelqu'un si on veut une photo candide, une photo prise sur le vif, ça brise un peu la magie et ça peut même peut-être effrayer certaines personnes. Mais à ce moment-là, peut-être le fait de prendre une petite vidéo comme ça, dire « écoutez, je vais juste enregistrer notre conversation. » Ou faites-le dans le sens inverse. Ou en sens inverse aussi. J'en ai vu certains qui disaient « prenez la photo puis allez voir la personne après. Puis si elle n'est pas d'accord, effacez-la. » Oui. Vous l'effacez devant elle. Vous dites « bon, d'accord, pas de problème. » Vous l'effacez. Oui, c'est ça. Le numérique, hein, et c'est vraiment génial pour ça. Oui. Une petite anecdote comme ça. J'étais à Boston cet été, puis je me promenais. Puis évidemment, j'ai toujours mon appareil autour du cou. Puis je regarde un petit peu autour de moi. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je pourrais prendre en photo? Puis je vois une femme avec son chien. Une espèce de gros bulldog. Je connais pas tellement les chiens, les restes de chiens. Mais bon, c'est une espèce de gros chien avec une face patibulaire. Il a de l'air méchant. Puis je me dis, bon, il faut que je prenne ça en photo. C'est vraiment une espèce de star de cinéma, ce chien-là. Il a vraiment une gueule incroyable. Je vais voir la dame, puis je lui dis, est-ce que ça vous dérange si je prends une photo de votre chien? Je commence en allant la voir comme ça. Là, je mentionne même pas si c'est pour être diffusé en quelque part. Moi, je sais que c'est pour moi. Oui. La femme, elle me dit « Pas de problème, tu peux prendre une photo de mon chien. Tout le monde veut prendre une photo de mon chien. » Fait que j'ai pris une photo du chien, un beau petit portrait, puis tiens, je vais la mettre sur le site pour que vous puissiez la voir, parce que franchement, je la trouve bonne. Il y a toute une gueule. Parfait. Puis Christian, toi, tu voulais nous parler un peu aussi des objectifs ou de ce que tu aimes utiliser comme équipement peut-être en photo de rue? Ouais, ben c'est que dans le fond, la photo de rue, il y a quand même, je dirais pas des limitations, mais c'est pas n'importe quel objectif qui est commode pour faire de la photo de rue. Mm-hmm. Le problème avec les objectifs trop larges, c'est qu'il y a une certaine déformation qui va arriver. Ouais. Dans certains cas, ça paraît un peu trop. Ça va être, mettons, des lignes qui sont pas droites ou des choses comme ça. Fait qu'on essaie de garder un angle, mettons, comme à partir de 20, 24, qui est pas trop large, mais qui reste... 24 millimètres. Qui reste quand même... Si on a un plan, on a beaucoup de... Tu sais, on peut avoir quand même une largeur assez intéressante rendue à ce point-là. L'affaire, c'est ça, c'est que là, on a évidemment, bien entendu, deux sortes de capteurs. Il y a les capteurs Rogner et les pleins capteurs. Mm-hmm. Bien sûr, dépendant de votre capteur, ben on n'a pas le même résultat, donc comme on a déjà parlé. Exemple, ce qui pourrait être intéressant, il y a les grandeurs typiques, argentiques, qui est le 35 mm, et le 50. C'est les comme les deux plus normales qu'on utilise le plus souvent. L'ennui, c'est que sur un capteur Rogner, si on utilise une 50, mais en réalité, c'est plus comme une 75-80. Ouais. Donc, c'est pas tout à fait le bon résultat. Le truc pour s'en sortir avec ça, on a une 28 mm qui donne pas loin de... Parce que la 35 est pas mal trop chère. Mm-hmm. La 35 mm, c'est 1400-1500$. Fait que c'est pas mal d'argent. Tandis que la 28, elle est... laissez-moi vérifier. 450-600. OK. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a quand même une ouverture assez grande à 1.8. Mm-hmm. Donc, si on veut faire des effets de profondeur intéressants, 1.8, ça nous le permet de le faire aussi. Fait qu'on peut avoir un petit peu de flou, on peut avoir de la profondeur, on peut avoir un peu de bokeh, mm-hmm. qui est comme, le dans le fond, le flou artistique ouais. Exactement. Moi, il y a, comme je vous ai déjà mentionné, la mienne que moi j'utilise, la 24-105, parce que ce qui est intéressant de celle-là, c'est qu'on a assez large, on a un peu zoomé, on peut se reculer un peu plus, puis quand même essayer d'avoir un sujet, sans dire, tu sais, complètement coupé, mais mettons le torse, la tête, etc. Ça nous permet un peu de recentrer nos affaires comme on le veut. Moi, en tout cas, personnellement, je ne jure, comme je l'ai déjà dit, que par cet objectif-là. C'est le seul maintenant où presque je traîne. J'entraîne à peu près plus d'autres. Mm-hmm. Fait que pour la photo de rue, tu amènerais une lentille, ça serait celle-là? Oui. Moi, oui. Définitivement. Parce que elles sont... ces deux gros avantages, c'est, comme je disais, bon, on a un zoom qui est quand même assez intéressant, qui est pas trop grand, mais qui est bon. D'ailleurs, sur du temps passant, tu sais, nous autres, on mentionne souvent le Canon, mais Nikon a l'équivalent. Elle, c'est 24-120, est-ce que j'ai vérifié. Bon. C'est la même chose. Bien. Pour le reste, c'est pas mal les mêmes spécifications. L'autre avantage, c'est, bon, stabilisateur d'image. Mm-hmm. Assez intéressant. Le hic, c'est que son ouverture est juste à 4. Mm-hmm. Donc, un peu moins de profondeur de champ. Ouais. Et moins de luminosité. Donc, des photos faites de soir, de nuit, ouais. Il y en a un petit peu moins. Mm-hmm. C'est là que les 50 mm, les objectifs fixes deviennent intéressants parce que c'est presque toutes des 1.8 ou 1.4 ou des choses comme ça. C'est là que je vous conseille d'aller voir ça. Si vous voulez faire de la photo de nuit, allez vraiment dans les fixes parce que c'est là que vous allez chercher. Parce que ça me dérange pas, vous pouvez aller chercher une 24-70 à 2.8. La 24-70, Canon vient juste de la changer. C'est le modèle numéro 2. Mm. C'est 2300$. Elle est 700$ de plus qu'elle était auparavant. Wow. Beaucoup à ce de moment-là, monde... on peut peut-être chercher le premier modèle en version usagée. Bonne chance. Mais c'est ça. Hein? Bonne chance. Ce qu'il disait, ce qu'il expliquait justement que je lisais, c'est il y a des magasins qui en ont encore en stock parce que bon, c'est pas le genre d'objectif qui se vend à tous les jours non plus. Mm-hmm. Mais Canon a coupé toutes. Toute la production. Toute la production, puis toute la vente. Fait que même s'il en restait, impossible à trouver. Mm. Impossible à trouver. Fait que dans les autres qui sont intéressantes, comme je disais, il y avait bon la 50 mm, la 1.8 qu'on a déjà parlé, là, à 125$, qui est très intéressante. Même si vous avez, c'est le plus équivalent de 75-80, ben reculez-vous, puis ça va quand même donner quelque chose d'intéressant. Puis à ce prix-là, de toute façon... Quand il y a un rabais, c'est peut-être 10$. Là, ça vaut. Si vous en avez besoin, achetez-le parce qu'il n'y a pas une grosse économie à faire là-dessus à 125$. Le moins cher que je l'ai vu, c'est peut-être 110$. Là. Ouais, c'est ça, ça arrive de temps en temps. Mais pas beaucoup ces temps-ci, par exemple. Pas tendance à descendre beaucoup. Je regardais sur le prix, le site photoprice.ca, puis a pas tendance à bouger beaucoup ces temps-ci. Mm-hmm. C'est ça. Du côté, je suis allé voir un peu les Nikon. Il y a une 35 mm à 1.8 à 200$ à peu près, qui pourrait être très très intéressante. D'après moi, là, si vous avez une Nikon, là, parce que moi, ça donne tout près d'un vrai 50 mm. Oui, exactement, puis... exactement. Moi, je regarderais ça. Dans les autres conseils que je peux vous donner, que moi j'ai vu le plus intéressant, on suggérait souvent de mettre à ISO 800 ou 1600. La raison pour ça, il y en a deux. Un, ça donne un peu de bruit, qui peut donner un effet, un peu de bruit de grain comme les anciennes photos avaient. Oui. Mais le plus important, c'est que, surtout quand on fait de la photo de rue, on n'a pas tendance à avoir des conditions toujours optimales. Mm-hmm. Dans le sens que notre photo qu'on voit, il faut se dépêcher des fois pour la prendre. Or, si on la fait, ben on n'a peut-être pas le temps de calculer exactement la vitesse qu'on voudrait, les affaires. Tandis que si on la laisse pour aller jusqu'à 1600, par exemple, ben si on fait comme moi je fais souvent ces temps-ci, en priorité à l'ouverture, donc c'est la vitesse se règle tout seul. Oui. Mais là, quand on la tient, la caméra, si ça tombe à 10, 15, tu bouges un peu, c'est flou. Ouais. Donc, un dixième, un quinzième. C'est ça, ce exactement. Ouais. Un dixième, un quinzième, ça devient flou. Tandis que là, si on tombe à 1600, ben là, ça nous... Ça va donner un peu ça de vitesse. Ça va donner un petit peu plus de vitesse rendu à ce point-là. Fait que t'as pas besoin d'y penser, tu le sais, c'est là. Fait que tu le sais tout de suite qu'est-ce que tu peux faire avec ça. C'est un bon conseil, je trouve que c'est... Je l'ai moi-même utilisé plusieurs fois, je trouve que t'as moins besoin de penser à qu'est-ce que tu fais. Au moins, tu sais, ça t'enlève un petit peu de stress, entre guillemets, par rapport à au moins une chose. Parfait. Puis bon, le bruit, c'est pas comme le grain qu'il y avait ces anciennes photos, mais je dois avouer que ça peut être intéressant dans certains cas. J'ai vu quelques photos, j'étais moi-même sceptique un peu, mais il y a peut-être de quoi faire avec ça. Il y a peut-être de quoi faire. Faites-vous-en pas. Puis de toute façon, même les plus petites DSLR maintenant, à 1600, bon, je dirais pas que c'est la grosse qualité, mais c'est bien. Voilà. En général, c'est utilisable. De toute façon, il n'y a personne ici qui va imprimer des photos pour faire des posters de films, en affiche c'est de exactement films. Ça, exactement ça. Fait que stressez-vous pas avec ça, c'est pas la fin du monde. Bon, merci bien de nous avoir éclairé sur le sujet. Alors, ceci conclut notre 9e épisode, et je crois qu'on est dans les temps, messieurs, tout près de 45 minutes. Hey, ça part bien. Sacrifice, on est discipliné, je suis impressionné. Oui, oui. Donc, bon, évidemment, merci d'avoir été là, de nous avoir écoutés. De notre côté, vous pouvez nous envoyer, comme d'habitude, vos questions ou commentaires. Ça peut prendre quelques semaines. En fait, on essaie d'y répondre par email, par courriel, là, quand on est capable, là, quand on a le temps. Par contre, pour y répondre à l'émission, ça peut prendre quelques semaines le temps de les diffuser. Et évidemment, on ne peut pas se permettre de répondre à 12 questions dans un même épisode. On a une vie. Non, en mais dehors en fait, d'objectifs numériques. Mais en fait, on veut donner de la matière aussi, parler de sujets plus en profondeur. Mais certaines questions ou certains commentaires amènent des idées de sujets aussi. Donc, c'est très intéressant. Tout à fait. Vous êtes une partie de l'équation. Absolument. Donc, envoyez-nous ça, commentaires, questions à podcast@objectifnumérique.com ou encore, ben, vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook ou notre page Google+, ou chercher Objectif Numérique, et sur Twitter, c'est O Numérique. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Christian. Merci, Stéphane. À la prochaine.